5. La création comme copropriété. Lu par Schmilblick. La création comme copropriété. Il est courant d'entendre des défenseurs du droit d'auteur reprendre cette filiation du droit naturel en le classant parmi les droits de l'homme. Tout questionnement sur un éventuel droit du public se retrouve ainsi disqualifié. Le public n'a pas de droit sur la création, pas plus qu'un promeneur n'a de droit sur les pommes d'un verger qu'il croise dans la campagne. Les prémices hexagonales de ce droit sont souvent convoquées par des accents tribuniciens et l'expression « France, patrie du droit d'auteur » sert à balayer toute prétention à introduire quelques mesures dans la conception de la propriété intellectuelle, au risque de détourner la réalité historique. Même le Chapelier, défenseur des premières lois françaises, avait conscience du côté boiteux de l'analogie entre propriété intellectuelle et propriété physique. De ses déclarations, on retient souvent sa formule sur « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable des propriétés » déjà évoquée plus haut. Mais il poursuivait ainsi « c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s'en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. Pour le Chapelier, un ouvrage publié est par nature une propriété publique. Il s'appuie, comme d'autres, sur l'une des caractéristiques de la connaissance. Celle-ci n'existe réellement que lorsqu'elle est rendue publique. Pour Proudhon, l'auteur est un échangiste. Avec qui échange-t-il? Ce n'est en particulier ni avec vous, ni avec moi, ni avec personne. C'est en général avec le public. Dès l'origine, la propriété intellectuelle s'affirme ainsi comme une sorte de copropriété, appartenant tout à la fois à son créateur et au public auquel elle est destinée, une dualité qui impose de penser d'une manière spécifique les droits qui y sont attachés. Si une chanson, un livre, une invention n'appartiennent qu'à leur créateur, nul besoin de garantir quelque droit que ce soit au public. Si la propriété en est accordée tout à la fois au créateur et au public, nous voilà au cœur d'un équilibre. Il s'agit de définir une tension entre plusieurs droits complémentaires ou concurrents. De fait, tout au long des débats sur la nature de la propriété intellectuelle, on retrouve face aux défenseurs du droit naturel une autre interprétation, où la propriété accordée à son créateur est subordonnée à son utilité sociale. C'est la version utilitariste de la propriété intellectuelle, en opposition à la version naturelle. Les droits accordés au créateur et à l'auteur sont alors issus d'un contrat social. Cette logique est particulièrement claire aux États-Unis, où la Constitution fixe comme objectif à la propriété intellectuelle de promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles. Mais ce serait une erreur de voir là une tradition purement américaine. Nombre de Français défendent cette conception en s'inspirant plus ou moins explicitement de la tradition utilitariste. Victor Hugo lui-même rappelait que le livre, comme le livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient, le mot n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain. Car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous.